Donc, Chilpéric, en 561, se retrouve avec le plus petit territoire. Donc, Chilpéric se retrouve avec le plus petit territoire, en effet, par rapport à ses autres frères que sont Caribert, Gontran et Sigebert. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Alors, il essaie quelques manœuvres, il n'y arrive pas vraiment. Il faut attendre la mort de Caribert en 567 pour que Chilpéric puisse agrandir son territoire en ajoutant la Normandie. Il finit par disposer d'un territoire contigu qui va de Tournai jusqu'à Vannes. Donc il a été assez bon en termes de négociation. Sigebert obtient, lui, un territoire allant de Poitiers à Tours et comprenant l'actuelle Vendée et les Pays de la Loire. Donc Sigebert, qui avait un territoire austrasien et le territoire aquitain, se retrouve aussi avec un territoire qui est exposé, qui a comme la façade, qui est exposée sur l'océan Atlantique, pour une fois. Et Gontran, lui, récupère un territoire qui va de Saintes à Agen. À nouveau aussi un territoire donc plutôt à l'ouest et qui a une façade maritime sur l'océan Atlantique. Donc la répartition de 567 présente trois caractéristiques. Toutes les parties disposent d'un accès sur l'océan Atlantique, le système des enclaves les uns chez les autres pour garantir une forme de coopération entre eux est maintenu, sinon renforcé, et Chilpéric ressort grand gagnant, même s'il a perdu Soissons au profit de Sigebert pour cause de trahison. Parce que justement, avant cette date de 567, il avait essayé de récupérer... Il avait essayé de récupérer en fait Paris pour en faire sa ville et n'avait pas réussi et Sigebert l'avait vaincu. Paris donc est toujours en indivision et réparti aussi en trois parts. Donc il y a toujours cette répartition des revenus fiscaux de la ville de Paris à part égale entre les trois frères qui restent et en même temps il y a trois ressorts territoriaux qui sont distribués aux trois rois, donc à Chilpéric, à Sigebert et à Gontran. Et Chilpéric reçoit le territoire qui va de Chelles à Nogent, où se trouve d'ailleurs, nous savons, le fameux monastère fondé par Saint-Cloud. Ce territoire se trouve sur les bords de la Marne. Quand Sigebert épouse la fille du roi des Visigoths de Tolède, Athanagilde, qui s'appelle Brunehaut, en 565, Chilpéric se sent à la fois menacé et aussi il est jaloux. Pourquoi? Parce que ce que disent les chroniqueurs de l'époque, c'est que les rois francs avaient tendance à se marier en dessous de leurs conditions. Et celui qui rompt cette habitude de se marier en dessous de sa condition, c'est Sigebert, qui fait ce qu'on appelle un mariage hypergamique, c'est-à-dire il épouse une femme qui est au-dessus de sa condition. Brunehaut est en effet issu d'une famille royale visigothique qui est beaucoup plus raffinée, beaucoup plus rompue finalement au métier de roi que ne l'est Sigebert. Donc il a toutes les raisons de la terre d'être extrêmement fier de sa femme et de son alliance avec le roi visigothique qui se trouve donc Athanagilde et dont la cour se trouve à Tolède en Espagne. Dans un pays en fait beaucoup plus romanisé et donc beaucoup plus civilisé que le nord et que l'Austrasie, que le nord du pays franc. Chilpéric est donc horriblement jaloux et aussi se sent menacé parce que les Visigoths ont un territoire qui s'appelle la Septimanie et qui se trouve dans le sud de la France et qui menace directement en réalité ses possessions, ses nouvelles possessions d'ailleurs du sud de son royaume, puisqu'il acquit de nouvelles terres dans le sud. Du Regnum Francorum. Alors, conséquence, il demande à Athanagilde la main de sa seconde fille, qui s'appelle Glasvinte. Et alors, le roi des Visigoths se fait prier, il trouve vraiment que Chilpéric est en dessous de sa condition. Mais comme il voit quand même un certain intérêt politique, celui de s'allier les Francs dans son combat contre les Byzantins, Eh bien, il finit par accepter. Et très fier, Chilpéric, pour montrer l'importance qu'il donne à cette union, envoie en dot à sa fiancée. Alors, donne une dot à sa fiancée, parce qu'il faut savoir que dans le mariage donc germanique, le mariage franc, eh bien, en réalité, c'est le fiancé qui dote la fiancée. Donc, avant même qu'il puisse vraiment l'épouser, il lui transmet d'abord une dot prénuptiale qui peut être très importante. Et ensuite, il lui donnera une dot morganatique, qui est une dot qui est faite après consommation du mariage en général, c'est-à-dire le matin après avoir passé la première nuit ensemble. Et en général, ce sont des dots très importantes, hein, parce que il faut que le fiancé montre par là qu'il est capable finalement de donner beaucoup de ses biens. Et Chilpéric, donc enthousiaste, propose en dot à sa fiancée donc la fameuse dot qui s'appelle en fait le Morgen de matin, Gabe, eh bien un territoire qui va de Bordeaux au Béarn, frontalier avec le royaume wisigothique. Le bien est tellement considérable, d'ailleurs, que les historiens se sont demandé si ces dots Morgengabe, donc une dot qui en fait, alors une garantie, c'est une dot donnée à la fiancée, mais qu'elle devra transmettre, qui est une réserve, réservée en fait aux descendants que le fiancé aura avec sa femme, si un jour si un jour il a une descendance de cette femme-là. Eh bien, les historiens se sont demandé si cette dot de Morgengabeu ne comprenait pas aussi la dot de demande en mariage, c'est-à-dire la dot ante nuptias. En tout cas, ce territoire qui va de Bordeaux jusqu'au Béarn est un territoire considérable, et sans compter les biens matériels qu'il envoie. Donc, à partir de Narbonne, sa terre natale, Glasvind, âgé de 17 ans, se met à traverser en réalité tout le royaume de Clotaire, escorté à partir donc de Narbonne d'une importante garde franque jusqu'à Rouen, où se trouve à ce moment-là la cour de Chilpéric. La suite dans le prochain podcast.